Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. On parle de la semaine pour l'école publique avec Claire Pépin et Proscoro. Proscoro, on parle politique avec François Landru. Et c'est la 450e émission d'Assemblage requis. What the paroi? Proscoro 450, voir le party. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 4 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. On est en direct des studios de CFA à Trois-Rivières. Je pense que ce matin, François, toi et moi, là. Moi et toi. Moi et toi, oui. On n'est pas en forme autant que d'habitude. Ah, c'est pas si pire. Manque de pas pire, mais on dirait que début de grippe de mon côté, bref, c'est ça. C'est ta raison. Hop. Moi, tu vois, la mienne, c'est que hier, pour une rare fois, je suis sorti de chez nous. Hein? Incroyable! Hein? Il y avait le feu! C'est ça, c'est urgence. Pour ça que t'es sorti? Nécessaire. Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'était quasiment une convention d'anciens animateurs d'Assemblage requis, François. Okay. J'étais avec Stéphanie Gagné. OK. Qui a animé Assemblage requis un été. T'es descendu, t'es à Trois-Rivières? Ouais, t'es à Trois-Rivières pour descendre de Gatineau. Tu sais, Stéphanie Gagné qui était chroniqueuse jusqu'à l'année passée avec sa chronique, ton plat favori, qu'on continue d'ailleurs avec Tu manges mon cœur maintenant. C'est un autre nom, mais c'est la même chronique. Hein. Donc, Stéphanie Gagné était là. Kiwan. Ah ouais, Kiwan aussi. Est descendu de l'Alberta à Trois-Rivières. C'était incroyable, ça. À part quoi? Lui qui a animé la première année d'Assemblage requis, avec qui j'ai fait tellement de choses, les palmarès c'est fou, entre autres. Et Justine Renaud. Okay. Qui fait des chroniques dans les palmarès, c'est fou maintenant. Donc, c'est des générations, tout ça. Là. Des générations. C'est les rencontres d'une génération, on aime ça. Puis Kiwan remonte dans son bout. Oui, tout le monde s'en retourne. Tout le monde s'en retourne. J'aurais aimé ça s'il avait été dans la région aujourd'hui. On aurait pu faire de la radio ensemble, comme dans le bon vieux temps, mais non. Ça ne donnait pas. Eh bien, mais quand même, on les salue, tous ces beaux gens-là. Aujourd'hui à l'émission, parlant de Tu manges mon cœur, on va faire ça parce qu'hier, vous avez peut-être entendu, si vous étiez là, notre gaffe du moment, d'avoir commencé une chronique et de ne pas avoir pu la terminer. Donc on va la faire aujourd'hui, ce matin, en début d'émission. Tu manges mon cœur, c'est notre chronique de coup de cœur. Et puis on va peut-être même te faire repasser du Mumford & Sons. Yay! Yeah! Ensuite, on aura la chronique « Ça existe, mais ça ne devrait pas », on l'a, où on s'invente des solutions à des problèmes de la vie de tous les jours. Tu sais, il y en a des problèmes, il faut les régler, là, tu sais. Par exemple, t'aimerais ça pouvoir manger des s'mores à l'intérieur, tu sais, des petits biscuits grammes avec du chocolat et des guimauves, là. Ouais. T'aimerais ça pouvoir manger ça à l'intérieur, mais beaucoup plus facilement, tu sais, comme sur un feu. OK. On va avoir un gadget pour régler ce problème-là. Et sinon, comment faire du sauna ou du spa, je pense qu'on dit plus, dans l'eau, déjà. T'es dans l'eau, mais en plus, t'es dans l'eau dans ton bateau. Dans ton bateau dans l'eau, qui a de l'eau dedans, pour faire comme un spa, tu sais. OK. Ça le mérite. C'est compliqué. Ouais, ben oui. Mais c'est comme Pimp My Ride Exhibit, là, tu sais. Lui, il était pas compliqué, là. Je savais que t'allais mettre ta TV, j'ai mis une TV dans un char, c'est ça. Donc, on fera ça à 7h30 quelques. Ensuite, à 8h, on aura une invitée spéciale. Un invité spécial ou une invitée spéciale. Dans quelle heure est-ce qu'on fait ça, nos deux invités spéciaux? Je crois, en fait, que Claire Pimparé va être la première. À 8h. À 8h, exactement. Écoute, on va parler de la semaine de l'école publique. Oui. Donc, voilà. On l'avait d'ailleurs interviewé l'année passée. Très sympathique. Oui, tout à fait. Personne fort intéressante. Écoute, fait qu'on va parler de tout ça. Mm-hmm. Les écoles publiques, j'aimerais ça aussi savoir leur position face aux frais de scolarité. Au printemps, en fait, ça fait tout un tollé. Bon point. Et puis, on va leur poser la question. Oui. Hein? Et après ça, écoute, on va parler d'une association ici à l'UQTR de cinéma. Donc ça va être vers les 8h15. Ouais, 8h15 environ. Et à 8h30, François Landry sera avec nous pour sa chronique Logocratie 101. Donc, belle petite émission, excellente émission, fantastique émission. Yeah. Je dirais même. Ben oui. Oui. Et pour célébrer notre... comment dire... Graisse de bine. Graisse de bine ce matin. Ben, v'là dans les placards et graisse de bine. Hein? Un lien comme un autre. Un lien comme un autre, ouais. Mais bonne émission quand même. J'ai les deux yeux dans graisse de bine, y'a un paquet de vieilles angoisses qui me spin dans tête. Vers 3h15, j'entends le même vieux cadran sonner. J'ai pas trop le goût de faire le party, mais une chose est sûre, je pense fort à toi. D'accord, et la pièce Graisse de Bine de l'album Démon Vert, c'est ce qui débute cette édition d'Assemblage requis. Et tout de suite, dès le départ comme ça, on s'enchaîne et des aliments de divertissement. Ou des divertissements. Des divertissements. Ouais. Voici Tu manges mon cœur. Mange mon cœur, c'est la chronique des coups de cœur d'Assemblage requis et des animateurs, en tout cas, François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante. Et pour faire différent, cette fois-ci, c'est moi qui vais commencer. Donc, de mon côté, ce que je te présente, François-Olivier, c'est pour commencer une petite vidéo que j'ai postée sur assemblagerequis.com, qui vient de mashable.com. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le magazine Entertainment Weekly, OK, qu'ils ont mis un peu comme, encore une fois, c'est tout à mon exemple parfait, mais comme un exhibit. Ils ont fait des exhibits d'eux-mêmes et ont inséré un téléphone cellulaire dans un magazine. C'est pour faire la promotion du réseau CW, un réseau de télé. Et ils voulaient afficher un compte Twitter dans leur magazine, OK? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les intérieurs de téléphones, sûrement pas cher. En tout cas, c'est genre les puces, etc., etc., un écran. Et tout ça est collé dans le magazine et Mashable, ou en tout cas, je sais pas si c'est eux ou si c'est quelqu'un d'autre, mais ils ont réussi à défaire le magazine pour montrer, même avec différentes techniques, là, comment ils pouvaient retourner dans le système d'exploitation du vrai téléphone. Donc, c'est un système Android qui est en arrière de ça, tu sais. OK. Et c'est dans le magazine. Je crois qu'il y avait comme, je sais pas si c'est 1000 exemplaires de ce magazine-là qui est disponible aux États-Unis. Donc, il y a la version sans le téléphone et la version avec. Mais ceux qui ont cette version avec le téléphone-là devraient la garder parce que c'est un article de la collection et j'aimerais vraiment en avoir un. Comment que ça se trouve, par exemple, sur Internet, non? Sûrement que sur eBay, il va y avoir quelqu'un qui va le vendre à un moment donné. Mais c'est vraiment un téléphone 3G, donc avec vraiment une carte SIM dedans pour pouvoir aller sur Internet chercher le compte Twitter. C'est fort. Donc, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Il y a le clavier QWERTY, il y a tout là-dedans. Tout est caché en dessous du magazine. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller lire l'article et de voir comment ça se fait. J'espère que ça va être plus répandu. Et j'espère qu'ils vont réussir à peut-être miniaturiser les éléments. Parce que le magazine doit être assez lourd. Ouais, j'imagine. Plus que d'habitude, ça. Il est plus cher que les autres, j'imagine? Je pense que c'est une pub. Tu sais, c'est une pub pour un réseau de télé. S'ils chargent plus cher pour le magazine pour que tu puisses regarder une pub... C'est peut-être mal vu, ça. Ouais, mais en même temps, t'as... C'est de la collection. Ouais. En effet. C'est ça. En effet. Ça, c'était mon minuscule coup de cœur, mon genre d'avant... comment t'appelles ça? Un genre d'entrée, si on veut. Mon side dish, ouais. On l'appelle. Parce que mon plat principal, à moi, c'est le nouveau single de Tegan and Sarah. Oh oui. Oh, oh oui. Et je pense qu'on devrait juste aller l'entendre et savourer ça de toutes vos oreilles. Que, peu importe le nombre que vous en avez, que vous soyez freak un petit peu là-dessus, avec peut-être trois oreilles, peut-être qu'il y en a dans le dos. Là, comme les rats, ils peuvent avoir une oreille sur le front. Là, all I wanna get is a little bit closer. All I wanna know is can you come a little closer? Here comes a breath before we get a little bit closer. Overhead. It's not just a physical. I'm the type who won't get up so free to little bit closer. All I wanna know is, can you come a little closer? La pièce Closer de Tegan and Sarah à Assemblage Rocky dans la chronique Tu manges mon cœur. Et moi, je regardais le vidéoclip en même temps qu'on écoutait la chanson. Oh, ouais, tu faisais ça. Particulier, contrairement à leurs autres vidéoclips où la plupart où on voyait Tegan and Sarah chanter. Ici, c'est plus à la méthode. Tu sais, les clips vidéo où t'as, ben, les vidéoclips, où t'as du texte qui apparaît à l'écran au fur et à mesure que les mots sont dits. Ouais. Donc, c'est un mélange de ça, de faire comme si le texte et la photo qu'il y avait derrière étaient un cube. Et que le cube se séparait en deux et qu'on voyait à l'intérieur des images. Puis là, ça recule tout le temps, mais c'est tout le temps un autre texte qui apparaît avec un autre paysage en arrière. Et il y a l'effet Ken Burns un petit peu à la iMovie ou, tu sais, genre transition de photo où t'as une photo avec du texte écrit dessus et que tranquillement, ça zoome sur une partie. Tu sais, c'est l'effet Ken Burns qui appelle, genre. Ouais. Puis là, tu vas sur une autre photo, puis là, tu rapproches un petit peu, puis là, tu changes, puis là, tu rapproches un petit peu. C'est très, très subtil et c'est très joli. Avec tout plein de choses de bande dessinée, un peu, tu sais, avec les petits picots, là, sur certaines images, des scènes de gens qui s'embrassent. Donc, un paquet de choses comme ça. C'est donc Closer de Tegan and Sarah, nouveau single de leur part. Et ça, c'était mon Tu manges mon cœur pour moi. Ouais. C'est bien. À ton tour. C'est bien, Mathieu. Merci. Plaisir. Écoute, ben, moi, je l'ai fait un peu hier. Oui, pour ceux qui n'ont pas entendu. C'est ça, exactement. Je parlais de Mumford & Sons et leur nouveau disque, ben, en fait, leur dernier disque, Babel, qui est sorti le 24 septembre dernier. Puis, écoute, hier, j'ai fait jouer Below My Feet. Oui. Très bonne pièce, en fait, de Mumford & Sons. Ce matin, j'aimerais ça vous faire entendre I Will Wait de l'album Babel. Pour les fans de Mumford & Sons, écoute, ça reste du Mumford & Sons et c'est bon. C'est dans le moule Mumford & Sons, mais on adore quand même ce moule-là. C'est un bon moule, tu sais. Tout à fait. Pas pour rien. Non, non. Et j'aime ça, ça change pas ta personnalité. Ta personnalité. Personnalité. La personnalité. C'est quoi, Cheese Whiz? Je sais pas pourquoi j'ai ça. Oui, c'est Cheese Whiz. C'était cheesy, comme on dit. I Will Wait pendant qu'on attend que la chanson commence. Ok, c'est ça qu'on attend? Ouais. Ah, ben, c'est pour ça que ça s'appelle I Will Wait. Écoute, écoute. Ah, okay. Ça revient. J'entends la mer. Une foule? Oui, monsieur. Oui. Feel heavy into your arms. These days of dust, which we know will blow away with this new sun. I will wait for well as strong, and use my head alongside my heart, so tame my flesh, fix my eyes, a tethered mind free from the lies. But I Mumford & Sons, la pièce I Will Wait, qui se trouve sur leur dernier album, Babel, qui est sorti le 24 septembre dernier. Est-ce que c'est supposé être live? Sûrement pas, hein? C'est ça? Oui, c'était live. Sur le CD? Sur le CD, oui. OK, c'est pas ça. Oui, en fait, c'est comme un vidéoclip qu'ils ont tourné en même temps. Là. Ah, OK. Je pense qu'ils ont tiré le son de ça. Là. Mais vraiment bonne, cette pièce-là. Elle me fait beaucoup penser à Little Lion Man, je crois. Ouais, exact, ça ressemble un peu. Une autre de leurs pièces, même genre de mélodie, mais une bonne mélodie, donc c'est correct. Là. Ouais. Bravo, François, j'aime ça, Mumford & Sons. Good. Voilà pour nos Tu manges mon cœur pour cette semaine. Et puis, on se fait ça une fois de temps en temps ici à Assemblage Requis. On essaie une fois par semaine, mais pas tout le temps, ça. Pas tout le temps. Alors, on va aller écouter du Noem. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu leur pièce Mon Espace, une de mes pièces préférées du palmarès francophone. Et plus tard dans l'émission, on fera 5 spéciales de vrais ponts, là, avec vos gadgets que vous allez tous vouloir vous procurer un après l'autre, là. Ou pas. Ou encore pas. Pantoute! Pantoute. Vous êtes à Assemblage Requis, jusqu'à 9h. Dans un curieux monde parallèle, j'avais un corps étoile et tien dans un univers matériel. J'avais si froid et j'avais mal. Sans mon réseau, je n'étais rien. Tout était vrai et immoral. Tu étais là, tu étais loin. Connecter à ma page.

The Darkness, Saucy Rock, avec Everybody Have a Good Time sur l'album Hot Cakes, avec des filles qui sont sur des crêpes avec du sirop dessus. Regarde ça, ça coule dans leur... avec le, sur le, dans le, où ça? Comme leur, je vois pas. Parce que je le fais shaker. Explique-le. OK. Donc, il y a des filles couchées sur des crêpes. Ouais, ouais, OK. Et il y a du sirop versé sur les filles et les crêpes. Et les filles lichent le sirop. Qui est d'une couleur eh bien. Siroteuse. Siroteuse. Voilà. Donc, c'est Hot Cakes de The Darkness. Maintenant, tu sais, des crêpes, c'est bon? C'est bon, c'est bien. Tu connais les crêpes, tu connais le sirop. Oui, tout à fait. Okay. Mais des fois, tu cherches comme encore plus dans la vie. Tu veux aller plus au-delà de la crêpe. C'est comme, tu sais, en anglais, on dit, tu sais, think outside the bun. Tu sais, je sais pas. En tout cas, bref. Ça mène nulle part, tout ça? Non. Je pensais que ça allait se rendre quelque part. D'habitude, ça se rend tout seul, je fais rien, puis ça se guide. C'est comme l'autopilote, cette affaire. Mais là, non. Là, du tout. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Puis là, en plus, tu joueras pas. Oh, oh, oh. Je veux rien savoir. Je vais couper ce bout-là. Montage. Chop, chop, chop. Bras à bouteille. Rafistolé. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. C'est la chronique qui suggère des solutions à tous vos problèmes de la vie de tous les jours. Et François, tu me diras si une situation ou une autre s'applique à toi. Hein? T'inquiète-toi pas. Tu sais, tu joues au frisbee des fois? Non. Non? Ultimate frisbee? Non plus. Non, mais pourquoi pas Bloody frisbee? Okay. Ah là, ça t'intéresse, hein, soudainement. C'est quoi? Bloody frisbee, en fait, c'est une, ça ressemble à une... Tu sais, une scie sauteuse, là, tu sais, là. Ouais. Genre avec des dents sur le bord, tu sais. Ouais. Mais c'est un frisbee. Mais ça ressemble à une saw blade, genre. Okay. Et il y a du sang dessus. Déjà, de, ben pas du vrai, mais de dessiner ou de peinturer dessus. Donc, c'est saw blade throwing disc, un disque fait, pardon, de siromousse. Voilà, et c'est scientifiquement prouvé que c'est au-dessus de 85% moins dangereux que lancer une vraie lame de scie. Non. Combien ça coûte cette affaire-là? Parce que ça, c'est plus que de l'Ultimate Frisbee. Et donc, l'Ultimate Frisbee, c'est quoi? C'est cher, ça, je vois ça, j'imagine? Non, ça doit pas. Ça prend juste un frisbee. Bon, ben, donc c'est gratuit? Ben non, mais je sais pas. Là. Eh ben, 5$, c'est plus cher que gratuit. Ouais. Parce qu'il y a du sang dessus. C'est ça. Ensuite, tu veux te battre, François, c'est clair. T'as l'air d'un gars qui veut se battre, là, tu sais. Tout le temps. Un peu à la. Pourquoi tu me regardes, Jay-Z, moi, tout? Parce que tu veux pouvoir frapper avec des gros points. Gros points gonflables. OK. T'sais? Donc, c'est des Giant Inflatable Robot Battle Fists. C'est des gros gants gonflables qui sont prêts à transformer vos mains en armes destructives. Destructives, oui, c'est ça. Une arme de destruction massive. Si on veut. Et ça coûte 35$. C'est cher, hein? C'est quand même cher. Ensuite, t'as un iPhone 5, mais tu regrettes que Steve Jobs n'ait pas pu survivre jusque-là, jusqu'à la sortie de l'iPhone 5. C'est vrai que c'est triste quand même. Ah oui, mais tu sais, en même temps, il peut pas. C'est le cas pour tout le monde. C'est à peu près ça. Donc maintenant, tu peux transporter Steve Jobs sur ton iPhone 5 avec ce superbe étui en cristal Swarovski avec la face de Steve Jobs dessus. Ça prend 3 à 4 semaines parce que c'est une commande spéciale qui est fabriquée à la main du Japon. Et puis, ça va vous coûter 300$, ce qui est à peu près le prix du iPhone 32Go sur un contrat de 3 ans. Fait que faut savoir, si t'es capable de payer 299$ environ pour un iPhone, tu peux payer le même montant pour un petit skin qui va aller dessus là, avec la face de Steve Jobs. Hein? Faut s'en faire jouer des scènes, là. Ah non. Ensuite, t'as toujours rêvé, François, d'avoir ton propre camion que tu pourrais peut-être lettrer, faire du lettrage dessus. T'sais. Ouais. Mettons, tu pourrais marquer le nom de ton commerce, marchand de bonheur. T'sais. Ouais. Comme ça. Ben, tu peux maintenant, mais en beaucoup plus petit. C'est un minuscule camion, ça s'appelle le Tiguron Box Truck Do-It-Yourself Series 5 de la compagnie Tio Toys. Et ça mesure 5,25 pouces de long. Et c'est une toile sur laquelle, dans le fond, le camion, il est blanc. Et là, vous avez un marqueur qui vient avec. Vous pouvez mettre votre signature dessus. Ou encore marquer, je sais pas, un vrai logo, quelque chose comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre petit camion. C'est cool. Ça vient avec le marqueur. Moi, c'est la chose la plus impressionnante. Ça coûte 16$. Il en reste seulement 2 en stock chez Amazon. Ensuite, tu aimes les petites friandises, les collations qu'on se fait autour du feu? Ouais. Tu sais, comme, disons, des mouches-moulous. Mais il y en a qui font des s'mores, qu'ils appellent. Et ça, c'est très à la mode aussi dans les épiceries. Il y a des petits kits là, de longs bâtons puis chocolat. Bon, parce que dans le fond, un s'more, c'est ça. C'est 2 biscuits Graham avec du chocolat, une guimauve entre les deux. Puis ça fond. Fait ça devient... sandwich. Oh, c'est bon! Donc, vous pouvez vous faire vos propres s'mores à l'intérieur maintenant avec ce petit appareil qui s'appelle Indoor S'mores, c'est quand même assez intelligent. Les guimauves sont grillées sur un réchauffe-truc là, en acier, Stainless Steel Electric Heater, qu'ils appellent. Donc, on dit que c'est sécuritaire, même pour les enfants. C'est idéal pour faire les s'mores à l'année longue. Et puis, vous avez des petits compartiments pour mettre les biscuits, le chocolat et les guimauves. C'est merveilleux. Et moi aussi, je veux savoir le prix tout de suite, là. C'est sur Hamaker Schlemmer. Et ça coûte... Hamaker Schlemmer. Et où est le prix? Où est le prix? Il n'y a pas de prix. Il y a 70$. Ils l'écrivent petit à prix, ils veulent pas qu'on le voie. 70$, c'est cher pour ça. Mais bon. Ensuite, tiens, t'es enceinte, François, je pense que c'est connu. Oh oui, tout à fait, c'est pareil. Ta copine est enceinte. Ouais. Ouais, voilà. Donc, elle pourrait s'acheter ce gadget-là, qui est un haut-parleur qui va sur le ventre. C'est un système de haut-parleur pour bébé, qui n'est pas encore né, évidemment. C'est fait d'un tissu là, super hygiénique, confortable, et les haut-parleurs sont à l'épreuve de l'eau. Donc, tu peux même mettre l'appareil au complet dans la laveuse, François. Ça coûte 47$ et maman va pouvoir faire entendre de la musique à son bébé avant même qu'il soit né. 47$, c'est quand même... T'sais. Eh bien. C'est ça. En effet. Ensuite, tiens, tu veux faire du spa, OK? Mais, dans un bateau. Ben, c'est ça, dans un bateau, parce que t'as pas de place dans ta maison ou au chalet, mais t'as de la place devant toi parce qu'il y a un lac, mais un lac, c'est pas un spa, hein? Non. T'sais, bon. Donc, il te faut ce gadget qui est le Hot Tub Boat, le HTHTB, évidemment, qui vient de Nouvelle-Zélande, c'est des Netherlands, c'est comment qu'on appelle ça, je me rappelle plus. Ça contient au-dessus de 2000 litres d'eau, non, jusqu'à 2000 litres d'eau, et ça peut avancer soit avec un moteur électrique ou un moteur outboard. Je connais pas ces termes-là, mais quand même. Ben, hors-bord, là. Hors-bord, voilà. On peut entrer jusqu'à 6 personnes dans cette affaire-là. Donc, on est assis dans l'eau. Et l'eau à l'intérieur du bateau, parce que c'est comme un genre de bateau. Est chauffé, exactement, avec un four à bois. Un wood stove, wow! Et ça peut prendre jusqu'à 3 heures avant d'arriver à la température désirée. Mais quand même, vous allez tellement vous amuser dans le bateau. Et tout ça, ça coûte 8 950 € ou 11 575 $ américains. Pour le modèle sans moteur et sans chauffe-eau. Jusqu'à 21 260 $ pour avoir le modèle tout équipé. Mais là, si t'achètes le modèle qui n'a pas de chauffe-eau, tant qu'à ça, va donc te baigner, t'sais. Ouais, c'est ça. Ça marche pas bien. Ça bouge pas, en plus, c'est encore plus plate. Ouais. Est-ce que tu fais du vélo un peu, des fois? Je te demande la question souvent. Oui, de temps en temps. Ouais. Est-ce que t'en fais le soir? Non. Ben, peut-être que tu pourrais avec ce gadget-là, le X-Fire Safety Light, qui est un gadget qui s'installe après votre vélo et qui peint avec des lasers, de la lumière laser, des lignes à gauche et à droite pour te faire une genre de piste cyclable. Tu sais, là, les gens te voient. C'est cool, ça, par exemple. Ouais. C'est bien fait. C'est très bien. 37$ avec 5 lumières LED. Ça vaut la peine, je pense. Je pense que oui. C'est pas cher pour la sécurité ça nous apporte. X-Fire Safety Light. Ensuite, tu te fais du bacon, tu te fais de la nourriture dans la poêle, mais là, tu veux pas avoir à sortir des pinces, tu veux pouvoir y aller quasiment toucher avec tes mains, tu sais, t'aimerais ça pouvoir, t'as sûrement déjà rêvé de prendre ton bacon et le revirer avec tes mains, tu sais. Non. Bon, quand même, c'est les finger tongs, c'est donc un peu comme une bouche de canard, en plastique, ou en tout cas en truc à l'épreuve de la chaleur, le silicone, je sais pas quoi. C'est ça, je pense. Silicone, et là, tu peux prendre littéralement ta nourriture avec tes mains. Grille ça de bord, ça coûte 12$. C'est magique. C'est magique. 7 pouces de long et ça vaut la vaisselle. Donc, que de bons points. Moi, j'adore celui-là. Ensuite, ton divan à la maison, François, peut-être une petite pochette pour mettre les télécommandes, tu sais? Non. Non, moi, j'en ai un petit gadget pour mettre les télécommandes. C'est pratique, c'est le fun. Mais, tu sais, t'aimerais ça pouvoir combiner ça avec un petit peu le même esprit que, tu sais, les kakis dans le temps où t'avais comme 14 poches après tes pantalons. Ouais, les pantalons d'armée. Exactement. Et bien maintenant, ton divan peut aussi porter des kakis si on veut, parce que c'est le Eastpak Backpack Sofa qui a des poches pour mettre absolument tout ce que vous voulez. Par exemple, disons, sur le côté, bon, tu mets ton portable, l'autre bord, tu mets une paire d'écouteurs, ton iPad, toutes ces affaires-là dans chacune des poches de ce divan-là. Bonne idée, non? Des magazines, des crayons, n'importe quoi. Tu pourrais même mettre de la nourriture dans ton divan, François. Collation de fin de soirée, des M&M. Il y a une poche de M&M dans ma poche. Ouais. Ouais? Non? Dis pas même en noir et en rouge. Je sais pas, hein? C'est particulier. Ça coûte cher, 2 060$. Eh! Yeah! Ça coûte mais c'est pratique. T'sais. Bon, on va se passer du pratique dans ce cas-là. Est-ce que tu manges des carottes souvent? Ouais. suis pas très grand fan de carottes, hein, mais peut-être que je serais plus fan de carottes si je pouvais les aiguiser. C'est une bonne idée, pour vrai. Ben oui, mais ça enlève la pleure, ce que t'enlèves avec d'habitude l'épluche carotte. Donc, c'est vraiment comme un aiguise-crayon. Et tu entres ta mini-carotte dedans, tu tournes. En fait, je sais pas s'il faut que ce soit une mini-carotte, parce que l'image ne donne pas de comparaison de grandeur. J'aurais tendance à penser que c'est des mini, mais peut-être que c'est des grandes aussi. Non, ouais, j'imagine que c'est des grandes. Peut-être. Il y a peut-être une vidéo en bas que j'aurais peut-être pu regarder pour pouvoir vous le dire. Ça peut. Ça fonctionne pas. Ça a l'air petit, pas mal. Ah non, ok, non, c'est une grosse carotte. Ah oui. Et de la grosseur de sa main, là, l'aiguise carotte, si on veut. Vraiment très, très gros, quand même. Donc, ça coûte 15$, ça peut être amusant et tu peux non seulement y aller comme avec un crayon, vraiment en tournant la carotte, on voit vraiment la pelure s'enlever vraiment quand tu tournes, mais tu peux en plus de l'autre côté y aller avec comme un épluche. Pour râper, exactement. Donc, c'est vraiment bien. C'est 15$, comme je disais, c'est donc un produit qui est disponible. Je pensais que c'était juste un concept. Allons-y justement avec un concept d'une voiture smart car avec son propre cinéma maison ou genre de ciné-parc intégré. Donc, c'est un concept pour la Smart 4 Stars qui a donc une nouvelle caractéristique qui, pour l'instant, n'est qu'en démonstration. On ne peut pas l'acheter. Là, c'était au Paris Motor Show. Et donc, vraiment, dans la voiture, il y a un projecteur. Et aussitôt que tu te pointes devant une surface qui est un mur, par exemple, blanc, pour être peut-être le mieux possible, et puis tu peux projeter ton film. Évidemment, le son joue dans les haut-parleurs de la voiture et l'image est sur le mur devant toi. C'est cool, ça. Je trouve ça vraiment très drôle, très bien. Ensuite, l'autographeur, qui est une façon de suivre votre journée en prenant des photos comme ça au hasard et automatiquement. Parce que tu sais, les journaux intimes, c'est difficile à écrire à chaque jour. T'abandonnes vite, c'est pas le fun. Il y a plein de façons de faire ça, même sur l'iPhone, il y a des applications pour ça. Mais ici, ce gadget-là va prendre des photos tout le temps. On dit, en fait, à l'origine, la raison que ça a été inventé, c'est pour les gens qui sont atteints de démence. OK. Et qui se rappellent pas de leur journée. Donc, ça prend des photos automatiquement et à la fin de la journée, ils peuvent peut-être regarder ces photos-là, se rappeler « Ah, c'est vrai, j'ai vécu ça. » Et puis, ça va repartir. Eh bien. Puis les re-regarder. Donc, ça coûte environ 649$ l'autographeur qui va être lancé au Royaume-Uni en novembre. Après ça, aux États-Unis et au Japon. Ah, tiens, c'est un chien, François. T'as pas de chien? Non, pas de chien. Mais peut-être que si t'en avais un, il aimerait ça regarder chez le voisin. Mais ton voisin, lui, aime pas ça, ça. Donc, il faut installer cette bulle qui s'appelle Pet Peak Dog Window. C'est quand même cool, pour vrai. C'est une très bonne idée. Ça ressemble à un hublot dans un sous-marin. Oh, ouais, tout à fait. Tu installes ça après la clôture entre les deux voisins. Évidemment, tu peux mettre ça sur n'importe quelle surface, mais j'imagine qu'un mur dans ta maison, ça serait difficile à défaire. Là, ouais, c'est ça, exact. Puis, écoute, c'est un peu embêtant aussi d'installer ça. T'sais, c'est comme pour dire à ton voisin... mon chien va te regarder. Mec, je passe par là, je vais te regarder. Je sais pas, c'est bizarre, ça envoie un drôle de message. Il y a personne qui va acheter ça, t'as même trop raison, c'est vrai. Ton voisin. Mais moi, c'est de l'installer, tu sais. Ton voisin, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Ah, ma femme, tu sais. Mais je pense que la clôture t'appartient pas juste à toi, mon ami, tu sais. Parce que des fois, les voisins vont payer les deux la ouais, clôture. Ouais, c'est ça qu'elle est mitoyenne, mais. Ouais, pas sûr de celle-là, moi. Bah, pas certain non plus, là. L'idée est bonne. Dans une maison, ça pourrait être vraiment cool. Si ton chien voulait être dans une autre pièce et pouvoir regarder son maître qui est dans l'autre pièce à côté, je sais pas, merde. Ça coûte 35$, donc vraiment, tu peux l'acheter. Ça mesure 9,5 pouces de diamètre et c'est fait d'acrylique. Voilà. C'est bien. Ensuite, est-ce que tu perds tes bas dans le lavage? Non, jamais. T'en as jamais perdu un? Ben là, permets-moi de douter. J'en ai peut-être déjà perdu un. Ouais. Ben, peut-être que tu pourrais arrêter de les perdre si jamais ça devenait un problème plus tard dans ta vie avec Smart Socks! Smart Socks! Smart Socks! Non? C'est le fun, hein? C'est des bas que t'achètes, ça vient avec une application iPhone ou autre téléphone. Et il y a un tag RFID, un peu comme on insère. C'est comme le grain de riz qu'on suggérait de mettre dans les doigts des gens et puis qu'on peut mettre dans les animaux pour avoir leurs informations de santé, etc. dedans. Ouais. Bon, c'est la même chose, mais dans des bas. Donc, ça vient avec les chips RFID, les bas, évidemment, le scanner et pas l'iPhone, évidemment. L'application. L'application. Et ça a été créé par Sammy Lee T de chez Black Sox. Et le système va retracer le nombre de fois que vous avez porté chaque paire de bas. Et puis, combien de temps ils ont duré jusqu'à maintenant. Et puis après ça, tu vas pouvoir savoir quel bas est supposé être celui qui va à droite si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Il y a des gens qui ont un petit peu le toc facile là-dessus. Hey boy, ça, c'est mon bas gauche. Ouais, sérieux, écoute, ça devient compliqué, là. Là, tu comprends. On met des bas, là, ça devient, ouais. Pas sûr. Mais t'es bas blanc, toi, non? Ouais, ça, c'est ça, mais là, ceux que je vois sont tous noirs, fait que d'autant plus que ça m'intéresse pas. C'est ça. Ça vient avec 10 paires. 10 paires de bas. 10 paires de bas noirs, j'imagine. Noir, probablement. Je sais pas si t'as le choix. J'avoue que je me suis pas informé. Et j'aimerais ça savoir le prix, c'est pas écrit. 189. Aha! Moteur système scanner disperse 189. Parfait. Et ça, c'est sur le site blacksox.com. Ben, en fait, c'est le nom de la compagnie Black Sox, donc j'imagine que t'as pas le choix de la couleur. Ouais. T'as pas le choix. Probablement, à moins qu'il soit noir et blanc. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, c'est intéressant. Ceux qui ont un smartphone et une copine ou un copain, d'accord? Et ou les deux, mais qui sont à longue distance et veulent pouvoir avoir des genres de relations, OK? Je vais être un petit peu vulgaire avec vous, là. Ben, de relations, tu veux dire? Ben, avoir des relations sexuelles. OK. Est-ce qu'on a le numéro pour la rappeler, la personne qui nous appelle en ce moment? Je sais pas. Est-ce que tu veux jouer en musique? Je vais vérifier. Réponds donc pendant que ça sonne encore. Okay. On continuera la chronique dans quelques secondes. Pour l'instant, on va se mettre une petite chanson. On va aller mettre comment on appelle ça? Kid Kuna. Avec la pièce Tic Tac. Et puis, on revient juste après avec la conclusion de cette chronique. C'est que ça devrait répondre là. Et une entrevue spéciale dans quelques minutes. C'est la personne qui nous appelle. Pas celle-là. Celle-là. Puis c'est lequel? Celle-là? Non? Celle-là? Pas sûr, je pense que c'est lui. En Syrie, en Somalie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, toujours plus Et la pièce Tic Tac à Assemblage Requis. Il est 7h54 et François, on a une invitée spéciale par téléphone. Ben oui, certainement. On reçoit en direct par téléphone Mme Claire Pimparé, alias Pascal Roux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Est-ce que c'est soleil dans votre coin? En fait, pas vraiment. Non, c'est ça. C'est comme plus nuageux et je pense qu'il annonce de la pluie là, aujourd'hui. Donc, Mais c'est pas grave, on va avoir du soleil en fin de semaine. Ouais, exact. Et puis, écoute, je veux pas avoir l'air quétaine ou licheux, mais tu fais un peu notre soleil ce matin. C'est vrai? C'est gentil. On est toujours gentil comme ça. Il est fin. Il est à ta chair, François-Olivier. Oh, merci. Donc, écoute, ce matin, en fait, on va parler de la semaine des écoles publiques. Oui, absolument. C'est notre quatrième année cette année. Puis je pense que je vais lancer une question comme ça en commençant. Je vais faire l'animatrice. OK, parfait. Et je vais la réponse, par contre, je veux pas nécessairement l'avoir maintenant. Je veux plutôt amener les gens à réfléchir à la réponse. OK. Demain matin, là, s'il n'y a plus d'école publique, elle n'existe plus, qu'est-ce que vous faites avec votre enfant? Ça pose problème. Ça pose problème, moi, effectivement. Parce que vous voyez, l'école publique, je pense que on a tendance à la prendre pour acquis. Puis j'aimerais ça vous raconter, parce que je pense que vous ne savez pas c'est quoi la petite histoire de l'école publique qui est très courte. Okay, c'est que Paul Gérin-Lajoie, dans les années 60, au moment où il voulait construire une école, il est allé voir un fermier. Puis il lui a dit, peux-tu me léguer une de tes terres? J'ai une école à construire. Et le fermier lui a dit, écoute, moi je viens d'une famille de 9 enfants. Et je vais te dire une chose, j'ai pas eu le droit, moi, d'aller à l'école parce qu'on n'avait pas d'argent. Puis il dit, si je te lègue une de mes terres à 1$ pour que tu puisses construire une école, je veux que tu me promettes, et c'est la condition, sinon c'est non, je veux que tout le monde ait le droit d'aller à l'école. Il dit, il n'y en aura pas de classe de société, de riches et de pauvres. Il dit, sinon, je ne te lègue pas ma terre. Et Paul Gérin-Lajoie a promis que l'école serait une école publique, une école pour tout le monde, pour tous, que tout le monde aurait le droit de venir à l'école, il n'y aurait pas des examens d'entrée pour refuser des jeunes, mais que tout le monde a le droit à l'égalité. Et c'est comme ça qu'est née la première école publique. Ah, c'est bien ça. Alors, tu vois, nous, ce qu'on essaie de faire avec la FRE, c'est ouvrir une fenêtre sur les écoles de façon à ce que les gens prennent pas pour acquis puis soient conscients de tout ce qui se fait dans les écoles. Il y a le volet professionnel, il y a les classes d'accueil, de francisation, d'alphabétisation. Il y a des volets de danse, parce que tout le monde a le droit aussi d'avoir des passions. Donc, il faut réussir à développer dans nos écoles publiques la chance à tout le monde de pouvoir aussi avoir le droit de rêver, puis de dire, est-ce que moi, je peux toucher à ça parce que ça fait partie d'une de mes passions. Et tout le monde a le droit, dans toutes les matières, de réussir. Et si tu as un peu plus de difficultés, ben on ne devrait pas mettre l'emphase sur l'échec. Quand j'ai fait l'école de la rue à Québec à un moment donné, j'avais un jeune, évidemment, puis l'école de la rue, là, on parle des jeunes qui ont décroché, qui sont dans la rue, qui sont dans la drogue. Et on avait instauré une école pour permettre à des jeunes de se raccrocher. Un jeune est venu, il avait redoublé 3 fois à cause de ses mathématiques. Et donc, en un an, on a fait toutes ses maths, puis il est allé à l'université en littérature. Oh boy! Donc, tu sais, il y a tout ce volet-là. Puis cette année, le volet francisation, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu, là. Okay. On accueille les immigrants de 65 pays ici au Québec. Et on était avec une personne du Congo qui était dans une classe d'accueil à l'école publique de parents pour les préparer, les aider aussi à être capables d'être autonomes et débrouillards. Et le monsieur du Congo, il m'a dit, écoute, chez nous, on souffre. On a 6 ans, on commence à travailler. Il dit, moi, j'ai jamais appris à lire, à écrire parce qu'on n'a pas d'école. On est dans les rues. On n'a pas de santé, donc on ne peut pas se faire soigner. Il dit, on se couche, puis on prie de sortir de là le plus rapidement possible, être capable de survivre. Il dit, quand on a la chance de s'en venir au Canada, ils ont pleuré parce qu'il dit, quand on arrive ici, on ne savait pas que le paradis existait. C'est le fun. Alors, est-ce qu'on ne prend pas pour acquis ce que l'on a? Oui, c'est ça exactement. C'est de se rendre compte, en fait, à quel point je pense qu'on est chanceux d'avoir le système des écoles publiques. Écoute, je suis allée à Haïti 3 mois, puis je te jure que quand tu reviens de là-bas, eux, la moyenne d'âge, c'est 30 ans. Et pour contrer la moyenne d'âge, c'est l'éducation et la santé, 2 choses qu'on porte, 2 choses que nous, on a, tu sais. Mais en même temps, j'aimerais juste vous donner un truc ce matin. Ça vous tente? Oui, ben oui, certainement. OK, à tous les auditeurs, j'aimerais ça que vous preniez une boîte que vous allez décorer. Demandez à votre enfant de la décorer, du papier gommé pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir. Vous faites une fente dessus, comme un peu une banque. Okay. Puis à chaque fois que l'enfant arrive de l'école, vous lui demandez qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. Écrivez-le sur un petit bout de papier, mettez-le dans la fente, ça va devenir la banque du savoir. En juin, à la fin de l'année, ouvrez cette boîte-là, videz-la sur la table de cuisine, il va y avoir un amoncellement de papier et vous allez dire à l'enfant... Même si tu prends n'importe quel papier, tu vas réaliser que tout ça, c'est ce que tu as appris cette année. C'est vrai, c'est un bon truc. Alors, ça fait prendre conscience qu'on va pas à l'école pour rien. On est là parce qu'on ressent, mais c'est tellement dans le quotidien qu'on oublie. Moi, savez-vous ce que j'ai fait avec une classe de secondaire 3? Je les ai emmenés, j'ai dit, vous allez être des animateurs de radio puis des journalistes. On s'en va dans une résidence de personnes âgées, vous allez faire des entrevues avec eux. Et je veux qu'après, vous me faisiez un compte-rendu, un article ou encore l'entrevue enregistrée. Je veux savoir qui sont ces gens-là. Écoute, les jeunes sont sortis de là, ils ont dit, hey, ça n'a pas de bon sens. Car je savais pas que ces gens-là avaient fait ça, mais oui, mais j'ai dit, il faut leur demander. Tous les corps de métier étaient là. Il y avait des historiens. Il y en avait même un qui était un virtuose du violon, qui avait déjà été, qui avait fait des concerts. Et il y a un jeune, il m'a dit, écoute, moi, j'ai toujours voulu prendre des cours de musique, mais j'avais pas d'argent. Alors, il dit, il m'a offert parce qu'il dit, ici à la résidence, il dit, moi, j'ai un violon, on a un piano, viens une fois par semaine, je vais te donner des cours. Tu sais, donc, qu'est-ce qu'on a? On a une banque de savoir inouï qu'on n'utilise pas. On a des ressources, on les utilise pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et t'as raison, en fait. Là, les personnes plus âgées, en fait, ils ont de l'expérience, ils ont du vécu. C'est important aussi de leur accorder de l'importance. Mais tu sais, si juste une fois dans votre journée, vous vous présentez à l'école publique qui n'est pas trop loin, puis vous dites, garde-moi cette année, là, je te donne une journée où je te soutiens comme professeur. Pendant une journée, demande-moi n'importe quoi, je vais venir t'aider. Tu sais, dans le temps, la grange, elle tombait, tout le monde elle partait avec son pic qui s'appelle, même si c'était pas sa grange, puis allait l'aider. Pourquoi qu'on se donne pas cette mission-là à tout le monde? L'école, on va l'avoir de façon différente. Et les enseignants qui ont des journées quelquefois très pénibles, ben au moins, ils vont se sentir soutenus. Puis on va faire une école très différente. C'est vrai. C'est vrai. Mais pour en revenir, en fait, juste à la semaine qui est dédiée à l'école publique... Oui. Le pourquoi, en fait, de cette semaine-là, en fait, je sais pas, on a comme pas l'impression que l'école publique est en danger. Je sais pas, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour informer les gens aussi? En fait, c'est pas qu'elle est en danger, mais c'est que la année, quand on a instauré ça, la Fédération autonome de l'enseignement, d'abord, ils ont réuni des gens qui, bien souvent, ont des divergences d'opinion au niveau de nos partenaires, que ce soit des syndicats différents, des commissions d'établissement, les commissions scolaires, etc. Mais pour la semaine de l'école publique, quand on a commencé la première année, on avait 7 partenaires. On est rendu maintenant à la 4e édition, plus de 37 partenaires. Alors, on a réussi à s'unir, comme je te le dis, pour vraiment faire connaître l'école publique et la défendre haut et fort et responsabiliser les parents. Parce que, tu sais, dans le fond, les parents, là, ils choisissent pas l'école. Hein, c'est l'école qui choisit les enfants. Parce que, si tu as de l'argent comme parent puis tu veux l'envoyer à l'école privée, il va passer un examen d'entrée, il va échouer. Où tu l'envoies ton enfant s'il échoue? Ah non, c'est sûr, écoute... Il arrive à l'école publique puis en plus, il y a un échec dans sa tête. Ouais, ça commence mal. Un échec de ne pas avoir été accepté à l'autre classe. Mmh. Donc, en quelque part, je pense que la semaine de l'école publique, c'est sensibiliser la population. Et moi, on essaie de aussi faire découvrir les différents volets. Parce que moi, l'année passée, quand c'était le volet professionnel et puis qu'on est arrivé sur un chantier, parce que c'est assez impressionnant, je sais pas si vous êtes allé déjà au niveau formation professionnelle, les corps de métier, aller voir le chantier. Moi, j'en revenais pas. J'avais l'impression que j'étais carrément en train de réparer une fuite d'égout ou en train d'installer. C'est fascinant ce qu'ils font. Tout à fait. Et puis, il y a un jeune qui est arrivé fier, les yeux brillants. Écoute, il avait 26 ans, il était revenu, il avait fait électricien et il est venu voir le professeur qu'on était, avec qui on était, qui faisait faire la tournée, puis il a donné sa carte d'affaires, il avait les yeux pleins d'eau, il a dit, je viens de partir mon entreprise. Écoute, c'était comme, wow, c'est magique. Ouais, c'est ça, exactement, c'est des beaux moments. En fait, ça redonne la confiance aussi aux jeunes. Ben, c'est même ton métier. Penses-tu que les jeunes qui sont au secondaire, moi, quand je fais le tour, on n'en parle pas de ça. On parle des entrevues, on parle de tout. Pour eux, c'est toujours inaccessible. Ah oui, tout à fait, exactement. Mais juste faire, moi, je vous le dis, là, vous autres, là, si vous preniez juste une journée que vous ne travaillez pas, ou même vous proposez dans une école secondaire d'aller faire votre émission à l'école secondaire, ah, mais oui. Vous n'avez pas idée comment, pour ces jeunes-là, ça serait magique de vous voir. Non, c'est vrai. Mmh. C'est vrai, de vous voir travailler, de vous voir faire, puis c'est comme si, oui, c'est possible, parce que si eux l'ont fait, nous, on l'a fait, mais là, vous allez leur faire vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai. Si ces deux effets épais-là peuvent avoir une émission de radio, je peux en avoir une aussi. C'est ça que ça veut dire. Ben oui, pourquoi pas? Non, mais c'est d'instaurer en fait dans la tête des jeunes que tout est possible. Écoute, si tu le veux vraiment. C'est ça, ça prend peut-être un peu plus de travail pour oui. certaines choses, mais bon, écoute, si t'as le goût, vas-y, puis... Oui, mais est-ce que tu penses que ces jeunes-là, ils ont la possibilité? Tu sais, c'est sûr que d'aller dans votre studio puis de vous regarder faire votre émission du matin, ils l'entendent en déjeunant, ils l'entendent en s'en allant. Mais c'est pour eux, c'est comme inaccessible. Ah. Alors, si vous appelez l'école secondaire puis vous dites, ben nous, ce matin, on va aller faire notre émission chez vous. C'est vrai. Écoute, ça serait tellement... ça serait comme un regain de vie. Parce que, dans le fond, l'école fait partie de la société. Exactement, non, exactement. Faut penser à ces affaires-là, c'est tout à fait vrai. Oui, bon. Faut y penser. Fait que vous allez donner l'exemple. Ouais, ben, OK. On a ça. C'est noté. Hey, en fait, si on revient en fait un peu l'école publique, on oui. sait qu'au printemps, ça a quand même brassé avec la hausse des frais de scolarité. Mm-hmm. Oui. Je sais pas, est-ce que vous aviez pris position? Est-ce que c'est quelque chose qui est sensible pour vous? Oui, absolument. Hier, on a fait un débat et Martine était là. C'est intergénérationnel. On avait Guy Rocher, qui a 82 ans, qui était là à l'époque de la commission parents, à l'époque de Paul Gérin-Lajoie, quand ça s'est créé au tout début. Et il y avait aussi Lorraine Pagé, qui était, elle aussi, à la retraite, mais qui a travaillé beaucoup, beaucoup au niveau des syndicats. Et on avait Martine Desjardins. Et c'était génial de les voir tous les trois ensemble débattre sur l'avenir de l'école publique et comment eux voyaient ça, donc à nous exposer sa vision. Et c'est une fille exceptionnelle. Moi, je pense que même aujourd'hui, je préférais peut-être la voir comme comme ministre de l'Éducation actuellement. OK. Non, c'est une fille vraiment qui a une intelligence. Elle est vive. Elle est vraiment, c'est une fille exceptionnelle. Et moi, je crois que... Allô? Pardon? À revendiquer... Je pense qu'on perd des mots, je m'excuse. Ouais, j'ai l'impression que c'est possible. Êtes-vous encore là? Point de vue. Il faut remettre l'éducation primaire, secondaire, universitaire, collégiale. Il faut la remettre à la place où elle était au début. C'est-à-dire que c'est pas une clientèle. C'est un mot à bannir. C'est pas une clientèle. Mm-hmm. Ce sont des étudiants et étudiantes. Exactement, exactement. Donc, Mme Claire Pépary, avec qui on parlait de la semaine pour l'école publique, on rappelle que ça a lieu jusqu'à demain, ça se termine le 5 octobre, et on peut se renseigner sur le site spep.ca. Là-dessus, on peut visiter, on peut voir des vidéos avec vous en vedette pour consulter les grands moments de la SPEP d'hier à aujourd'hui. C'est SPEP. Et moi, j'ai une annonce à faire, là. Ben oui, vas-y. Ah oui, absolument. Écoutez, là. À toutes les écoles secondaires, si vous voulez recevoir... Blage requis! Si vous voulez recevoir les deux animateurs, vous avez juste à envoyer un texte pourquoi vous aimeriez les recevoir dans votre école. C'est bon. J'aurais aimé que tu replugues les deux épais du matin. J'aurais aimé ça, entendre Claire Pépary dire ça. Donc, Claire Pépary, merci beaucoup, beaucoup d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Ben, merci à vous. Hey, bye, bye. Bye, merci. Bonne journée. Ah, Claire Pépary. Ah, et au début de l'entrevue, elle nous a posé la question de quoi ça aurait l'air les écoles publiques. Si, tu sais, s'il n'existait pas les écoles publiques, qu'est-ce qu'on ferait avec nos enfants? Ouais, c'est ça, exactement. Vincent Vallière posait un peu la même question parce qu'il y a une chanson qui s'appelle L'école est finie. Hein? Ouh. Hein? On l'aime. Merci encore à Claire Pépary. Ben oui, tout à fait. L'école est finie, ça fait un bout que je suis lancé. C'est pas ce que j'avais prédit, c'est pas ce que j'avais pensé. Mais je suis resté debout, j'ai jamais perdu pied. J'suis pas de ceux qui se défilent à la première bordée. Aime-moi, serre-moi ce soir. Je vois bien que la vie cloche à mesure que j'avance. Les amis s'éparpillent, les souvenirs se distillent. C'est pas grave, on s'arrange, on part pas au champ. Stop making. jamais perdu le fil qui me rattache à toi. Prends-moi, éloigne-moi de la mort. Je vois bien que la vie clenche à mesure que j'avance. Les amis s'éparpillent, les souvenirs se distillent. C'est pas grave, on s'arrange, on part pas au champ. C'était Vincent Vallière et l'école est finie à Assemblage Requis. On parlait de la semaine pour l'école publique tantôt. Je vous rappelle le site spep.ca si vous voulez en savoir plus et voir Claire préparer en vidéo. C'est toujours très intéressant et très gentil. Exactement. François va retourner en musique tout de suite. Le temps d'attendre notre prochain invité qui est Gauthier. Oui, Abou Dharam, qui va venir nous parler de l'association de cinéma Clap Campus, ici même à l'écouteur. Donc, on va venir présenter en fait l'association, c'est quoi les activités, les rencontres, etc. Là, en fait, là, ça va être intéressant. Je pense qu'on gagne à connaître cette association. Association d'ailleurs que je ne connaissais pas du tout. Moi non plus, donc on lui en parle. On va l'apprendre ensemble. Pour l'instant, on écoute Peter, voici les chemins étoiles. Assemblage requis, il est 8h13. Alors y'a mon taxi, j'écoute la radio. Au retour, on parle de cinéma à Assemblage Requis, mais pour l'instant, c'est l'Info Campus. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou depuis un bout. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bon, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est le jeudi 4 octobre 2012. Salut, c'est François-Olivier Marchand. Salut, c'est Mathieu Plan. Donc, il est 8h21. On a pris énormément de retard aujourd'hui, mais quand même, le plan continue et le plan, il va être très, très bon pour le reste de l'émission. Ça, c'est certain. François Landry s'en vient tantôt avec sa chronique politique. Mais avant ça, François. Oui, on reçoit M. Gauthier Aboudaram. Bon matin à vous. Bon matin. Ça va bien? Très bien. Donc, on va parler ce matin de l'association de cinéma Clap Campus, Isman à l'UQTR. J'aimerais ça, si ça serait possible pour vous, en fait, de vous présenter par rapport à l'association. Est-ce que vous êtes le président? Alors oui, je suis président de l'association, puisque okay. C'est moi qui l'ai créé en début 2011. Et voilà. Ok. Bon, c'est donc, quand même assez récent comme... C'est quand même assez récent, ça fait plus d'un an que ça existe, mais c'est vrai que c'est pas connu du tout. C'est vrai que pour l'instant, moi, quand j'ai créé l'association, j'étais tout seul, donc je me suis un peu focalisé sur ce qu'on allait y faire. Ça a surtout marché avec le bouche à oreille, en fait, au début. Ok. Donc là, on va essayer cette année de faire un petit peu plus de communication et de faire passer le mot un peu plus large. C'est bouche à oreille, sûrement plus dans ton domaine d'études, ton champ d'études. Pas dans mon domaine d'études. Moi, je suis en marketing, donc okay. Ça a vraiment aucun rapport avec ça. C'est une passion, vraiment. C'est vraiment une passion, ouais. Et moi, je me suis dit que le meilleur moyen d'en faire, c'était de le faire. Bah, c'est ça, c'est essayer. Exactement. Génial. Et c'est quoi l'association, en fait? Alors, en fait, l'association, ça consiste... le but, c'est la réalisation de courts-métrages. OK. Donc, en fait, on va se retrouver en groupe, en équipe, qu'on va former dès le départ. Équipes qui sont formées. Voilà, ça peut être... c'est-à-dire, si les gens viennent entre amis et qu'ils disent « on a déjà notre équipe, il n'y a aucun problème ». S'ils arrivent tout seuls et qu'ils veulent se joindre à une équipe, il n'y a aucun problème non plus. C'est vraiment pour faire ça dans la bonne ambiance, pour aussi apprendre, c'est-à-dire ceux qui connaissent pas du tout comment faire un court-métrage, ils peuvent se faire aider par les autres équipes. Vraiment, c'est de l'entente, de l'entraide. Et d'un autre côté, ceux qui vont savoir faire du montage, par exemple, vont pouvoir l'apprendre à d'autres qui, eux, vont pouvoir apprendre à tenir une caméra, peu importe. Okay. Mais le but, voilà, c'est vraiment de faire des courts-métrages dans une bonne ambiance. Et puis à la fin, on essaye aussi de diffuser ces courts-métrages-là pour quand même qu'il y ait une certaine valorisation de notre travail aussi. C'est un peu comme l'esprit Kino, mais étudiant un petit peu. Voilà, c'est le même principe. Okay. C'est la même chose aussi. On essaye de faire ça sur un thème. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'était donner un thème en commun qu'on votait pendant une réunion, en fait. Okay. Et après les équipes se séparent et puis tournent leur... Voilà. Toutes sur le même thème. Okay. Mais ce qui est bien, c'est que chacun essaie de faire quelque chose de différent. Ouais, tout à fait. Donc ça donne vraiment quelque chose de créatif. Là, cette année, ce qu'on risque de faire, c'est d'élargir un peu les thèmes. C'est-à-dire qu'on devrait garder des thèmes, mais juste au niveau de la fiction. Et on va normalement proposer des genres un peu plus larges. C'est-à-dire au niveau, on devrait proposer un clip pour faire un clip musical, un documentaire ou un remake. Ah cool. Okay. Donc on va voir un peu ce qui se propose. On va détailler ça pendant la réunion d'information. Cette réunion devrait avoir lieu après la relâche. Et ça, il y aura plus d'informations dans le zone campus normalement, sinon sur la page Facebook. Parce que en fait, il faut être étudiant, j'imagine. Disons que ça s'adresse principalement aux étudiants, mais s'il y a d'autres personnes qui viennent me voir en disant je veux participer, je suis pas étudiant, moi je suis ouvert à ça aussi. Ok, et puis les gens peuvent vous rejoindre comment? Alors justement, on a une page Facebook, donc c'est Facebook / Clap Campus UQTR. Ok, Clap Campus UQTR. C'est ça. Parfait. Et on peut aussi nous joindre directement par courriel au clap.campus@commercialuqtr.ca. Clap étant évidemment le clap au cinéma. Là. Exactement. Mais aussi, j'imagine que ça veut aussi dire créativité, lumière, acteur et. Passion. Passion. C'est ça, je pense. C'est tout ça. Donc maintenant, vous avez un acronyme, vous allez pouvoir l'utiliser grâce à nous. Hein. Merci. Dans le générique, cool. Ça va être écrit Mathieu Plante, François Blanchard. Pour les droits d'auteur, on s'arrange plus tard. La paye, le chèque est normal, comme on dit. Ouais, donc Clap Campus, c'est super intéressant comme projet. Je trouve ça vraiment super. Jusqu'à maintenant, les gens participent bien. Est-ce qu'il y a des styles de films qui t'ont marqué là-dedans? Est-ce que les gens sont originaux? Jusqu'à présent, on a réussi à faire, enfin, on a eu le temps, disons, de faire deux thèmes. Oui. Le premier thème était langage. Il y a eu vraiment des choses différentes. C'était le premier, donc c'est donc par différent, ça veut dire bizarre, non? disons, il y a de l'humour, il y a du dramatique plus ou moins. Enfin, il y a c'est vraiment voilà, c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y en a qui se lâchent dans l'horreur, des trucs comme ça, ces affaires vraiment glauques? Alors pour la deuxième session, on a eu quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Ouais, okay. Le deuxième thème était trouble. Donc là, c'était déjà plus. Là, on a eu des choses qui se ressemblaient un peu plus, okay. Puisque ça, disons que ça inspire plutôt quelque chose de qui se passe la nuit, un peu tout ça. Un peu lugubre. Ouais, voilà. Donc on a eu des choses qui se ressemblaient plus. En revanche, on a eu des choses pour la deuxième saison qui étaient, je dirais, je vais pas dire plus travaillé parce que ça ce serait pas sympa pour les autres, pour ceux de la session précédente, ce qui était en plus pas vrai, mais c'était plus, disons, tordu, je dirais. Okay. C'était plus des choses un peu avec un twist à la fin, recherché peut-être un peu plus. Ouais, au niveau du scénario en tout cas, ouais. Okay. Je pense que en tout cas c'est vraiment bien de voir ce qu'on fait de différent, parce que même si les thèmes étaient assez similaires, c'était tous dans l'idée, il y en avait plusieurs en tout cas dans l'idée qui se ressemblaient, mais on a quand même des choses différentes, réalisées de manière différente, et c'est toujours intéressant de voir ça. C'est très intéressant de voir ce qu'on est capable de faire sur un thème en commun. Ok. Exemple, je suis étudiant, moi, et puis en fait, m'impliquer, j'ai pas vraiment le thème. Par contre, pour la diffusion, en fait, ça m'intéresse. J'aimerais ça aller voir ça. Excuse-moi. En fait, je m'inscris sur la page Facebook, et ouais. Puis j'ai les détails. Et nous, on met ça à jour régulièrement. Okay. Ce qu'on fait sur la page, c'est que, donc, bien sûr, on tient au courant des activités de l'association. On va aussi. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je poste des courts-métrages de temps en temps. Okay. C'est-à-dire, j'ai vu ça, ouais. Il y a des vidéos sur la page Facebook qu'on peut voir. Voilà, c'est ça. De temps en temps, quand je tombe sur un article de court-métrage et que je le regarde, je le trouve intéressant. Enfin, après, c'est assez subjectif, hein, mais je le poste et je trouve que ça permet aussi d'augmenter la culture générale à ce niveau-là ou d'inspirer un peu plus ceux qui sont abonnés à la page. Mmh. Et donc, on rappelle que la réunion d'information, ça va être après la relâche. Pour l'instant, vous pouvez envoyer un courriel clap.campus. C'est ça. Bien mettre le point. Ouais. À uctr.ca. Et continuez le bouche à oreille. Ça peut juste aider, ça aussi. Bah oui, le bouche à oreille, parlez-en. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés, tout ça. Les inscriptions se font en envoyant un courriel, justement, à clap.campus@commercialuqtr.ca. Mais si vous voulez des informations ou quoi, écrivez-nous soit à cette adresse, soit sur Facebook directement. Mmh. Comme vous préférez, mais nous, on va répondre à vos questions avec plaisir. C'est super. Parfait. Et puis, l'invitation, en fait, la porte du studio est toujours ouverte si vous avez d'autres choses. Super. Quand vous aurez la date aussi, venez. Ouais, exactement. OK, ben, pas de problème. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci. Très bonne journée à toi. Bonne journée aussi. Et nous, on continue en musique avec P.S. I Love You. Voici Sentimental Dishes. Et après ça, on vient avec François Landry, sa chronique politique, Logocratie 101. We'll be right back. Au retour, gentlemen, start your engines. C'est le thème de la chronique de François Landry. T'essayais de faire un... Comment tu faisais ça? C'est plus un chat qui ronronne, je pense. Ben, plus ou moins. Ouais, mettons. Un mini-trail, peut-être. Ah, laisse faire. Ouais. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Mardi à Assemblage requis. On sera de retour du congé avec Véronique Mire du bureau de la restudiante et Alexandra Carignan en studio pour sa chronique Art et spectacle. C'est mardi, pas lundi. Mardi matin à 7h. On dort lundi. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Ouais, pourquoi j'ai dit ça? Ouais, t'as raison, Véronique n'est pas là. Puis Alexandra, elle sera pas mardi non plus. Pourquoi j'ai écrit ça? Je sais pas. C'est qui ça? C'est François. Ça, c'est François Landry. S'il vous plaît. Où je suis là? T'es là. Et c'est là. T'es là. Royal. Donc, François Landry, start your engines. Ouais, monsieur. Oh! Oh boy! Oh oui, j'aime bien le pouit, pouit, pouit, pouit! Ça veut dire quoi, ça, start your engines? La course est lancée, officiellement lancée. Je voulais, j'en ai parlé la semaine dernière, hein. Je vous ai tiré un peu les oreilles. Oh avec, ouais, tu m'as pris de court. Ah, vous saviez pas de quoi je parlais? Non! Habituellement, c'est la tradition sur les Indiana 500. Donc, pour les courses de chars, tu sais, pour les mâles comme ça, les gros moteurs. Qui les virils. Le viril, là. Ouais, ouais. Ceux qui ont des tatous et t'écœurent pas, là. C'est... Eux autres, ils aiment ça, des gros moteurs. Puis, c'est la tradition quand la course commence, l'annonceur dit « Gentlemen, start your engine ». Donc, c'est « Messieurs, partez vos moteurs, démarrez vos moteurs, blablabla, là, tout le monde sa course, puis qui part? » Habituellement, dans l'Indiana, le premier qui est en avant de la ligne finit premier, habituellement. Parce que c'est plate, c'est le sport le plus plate que je connais, ça part la pétanque, là. C'est pourquoi ça pogne autant, je comprends pas. C'est viril. Ah, okay. Les gros moteurs font vroom vroom. Ah. C'est pour ça qu'avec les petites sonnettes aujourd'hui, je dis ça pourrait être moins viril la course qui s'annonce tant au Canada qu'au Québec, parce qu'à Ottawa, ça va faire dur. C'est Justin Trudeau qui se présente. Officiellement, il a lancé sa campagne cette semaine. Il se présente à la chefferie du Parti libéral du Canada. Il se présente et il va gagner. Et il va gagner parce que... C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Ça sert à rien. Non, surtout pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, t'as raison, personne va se présenter. Mark Carney, qui est l'adversaire le plus appréhendé, il dit « Gars, moi j'ai une très grande crédibilité dans le monde financier, dans le monde entier. » Lui, c'est le président de la Banque du Canada, donc c'est lui qui décide des taux d'intérêt et tout ça. Il dit « Moi, ma vie est là, j'ai pas à me faire avec des politiques ou les journalistes. Je suis bien chez nous. » Pourquoi me lancer en politique? Exact. Puis écoute, il travaille peut-être pour lui dans le sens où il peut peut-être avoir un bon petit poste. Si Justin il rentre, il dit bon, tu t'es il pas présenté. Il peut avoir une grande crédibilité. T'es crédible. Ça, écoute, tu te places bien. Retour d'ascenseur, absolument. En politique, ça se fait souvent. Il y a Marc Garneau aussi qui pourrait se présenter, le premier homme canadien dans l'espace. Ah oui? C'est qui ça, Marc Garneau? Ben, tu l'as dit. C'est un backbencher. Donc, on passe au suivant. Qui d'autre? Il y a plein de nobody, plein de backbenchers qui pourraient se présenter pour dire hey, « Moi, je me serais combattu contre Justin Trudeau, mais on s'entend que ça sera un knockout. » Ben, déjà qu'il y avait sacré une volée ou... Je vais revenir justement parce que c'est Justin Trudeau s'est présenté cette semaine en avouant d'emblée n'avoir réponse à aucun des problèmes et pas plus que de réponse à toutes les questions. Mais par il est contre, honnête en tout cas. Il est très honnête, il commence en lion, mais... il reste quand même vague pour la salle des choses. Donc, on voit que c'est un politicien aguerri. Il sait pas ce qu'il va trop présenter aux Canadiens. Il mise beaucoup sur sa connaissance du Canada. Parce qu'il a clairement dit « J'aime mon Canada, mon pays même. » En partie, mm-hmm. Là, on verra. Là. Mais ça aussi, c'est un bon point. Excuse, je veux pas t'interrompre, vas-y. Le fait qu'il soit québécois peut-être, en fait... Avec les francophones, les Québécois... Essayer de rallier au moins, gagner des points au Québec. Mais il y a un système d'alternance. Une tradition au Parti libéral, il y a une alternance. Un chef francophone, suivi d'un chef anglophone, suivi d'un chef francophone, etc. C'est une loi non écrite. C'est une loi non écrite, c'est une tradition. On a eu Jean Chrétien. Ensuite, on a eu... Qui était là longtemps, soit dit en passant. Ouais, de 92 à 2000-quelques. Été... Ensuite, bon, il y a eu Paul Martin, qui est un anglophone. Ensuite, on a eu... Ça a moins bien fonctionné. Ça a moins bien marché. Quand tu commences à donner des couteaux dans le dos de ton chef, alors qu'il est encore... Oh. Tu sais, le calife qui a voulu être à la place du calife, oui, oui. He's no good. He's no good. Oui, on s'en souvient, he's no good. Yeah. Donc, Paul Martin, c'est le he's no good canadien. Donc, il a voulu avoir la place du calife. Être un calife à la place du calife. Le beurre, l'argent de base. C'est ça. Et ouais, exactement. Les gens chrétiens, d'ailleurs, qui étaient appréciés. Là. Oui, c'était un. Faut l'avouer, ça a été un grand premier ministre. Coast to coast, avait une notoriété, une popularité sans faille. Oui, on pouvait le détester parce que. Nous, ben! Oui, mais c'est normal qu'on déteste nos dirigeants à un moment donné. Sauf que, faut l'avouer, ça a été un grand premier ministre. Tout comme Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin, qui a été l'un des plus grands premiers ministres. Les nationalistes vont me tirer des tomates présentement. Là, je sens, il y en a dans la fenêtre. Mais, faut l'avouer, il a tenu tête aux États-Unis. Il a été le premier à reconnaître la Chine communiste. C'est un grand, grand chum de Fidel Castro. Donc, faut pas oublier que, côté politique extérieure, il y avait rien à... demandé aux États-Unis, il a dit « Moi, je suis le premier ministre du Canada, si le Canada veut reconnaître tel pays, s'il veut faire du commerce avec tel autre pays... » On est libre. Voilà, le Canada libre. Donc, il l'a clairement dit. Et Justin veut s'inspirer de son père, mais tout en se détachant de l'emprise du Trudeau. Ouais, parce que, faut pas faire trop de George W. Bush. Genre, tu sais, le fils de l'autre, ça va c'est passer. Ça. Mais Justin, lui ici, qui il traîne sur lui un lourd héritage. On aime ou on n'aime pas Pierre-Éliott Trudeau. Mm. Donc, on aime ou on n'aime pas Justin Trudeau. Par filiation, t'as pas le choix. Donc, écoute. Et il a lancé sa campagne, non pas en disant justintrudeau.ca, mais justin.ca. Oh, hein? Ça semble très, cher. Très long. Ouais, ouais. Sur son panneau, derrière lui, en plexiglas, t'as marqué Justin en grosses, grosses lettres de 6 pieds par 6 pieds. Trudeau, et en tout petit, en police caractère 8 à peu près, là. Trudeau. Juste pour qu'on se rappelle que c'est Trudeau son nom, mais il veut vraiment pas le mettre en évidence. Donc, lui, il veut dire « Je suis un nouveau ». I'm just. Mais peut-être aussi qu'il fait ça, tu sais, pour pas dire « Ouais, on sait bien, toi, tu sais, se détacher, c'est ça exactement. » C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup, même dans sa circonscription de Papineau, auquel il est le représentant depuis 2008, il doit se battre quotidiennement pour convaincre ses électeurs, ses propres électeurs, de demeurer en place. Parce que Papineau, c'est une circonscription francophone, défavorisée, où la gauche est quand même très présente assez au Québec. Présent. Juste pour un exemple, le Parti communiste, c'est son château fort, c'est Papineau au Québec. Donc, c'est juste un clin d'œil, là, mais le Parti communiste château fort, c'est plus un chac en bois rond. Et il doit se battre, et chaque jour, dans la rue, il l'a avoué lui-même, chaque jour, je me fais cracher au visage, figurativement, parce que je porte le nom de Trudeau. Il dit, je dois me battre avec ça, mais bon, il y en a qui n'aiment pas Trudeau. Il y en a d'autres qui vont dire que Justin Trudeau, il serait pas là sans son père. Donc, ton père est venu au monde avant toi. Il y en a d'autres qui vont dire que ton père est intelligent. Toi, tu es superficiel. Ah, juste parce qu'il est beau, c'est ça? Ah, hein? Ben, écoute. Pas loin d'être beau, l'envie. Hey. Il est arrivé sur scène comme une rock star, Mathieu. Si t'avais eu ça, là, tu vois Coldplay ou Justin Trudeau, là, les femmes hystériques, pareil. Là. Ah, ouais. Ah, tout bien habillé, sa femme en arrière, Grégoire, là, je me souviens plus de son prénom. Monique. Madame Grégoire. Non, pas Monique. Non, je sais pas. Grégoire. Une ancienne présentatrice télé de qui paraît bien, là, si tu en pensais. Très, très, très belle femme. Oh, ben, lui aussi, il est beau bonhomme, là, Justin. Là, il est beau, il a une belle crinière. Il paraît bien. Il paraît bien. Justin Bieber, Justin Trudeau. Ah, bonne comparaison. Sauf que Justin Trudeau... Les deux Trudeau, sont canadiens. C'est ça, les deux sont canadiens. Mais Justin Bieber a vomi sa scène récemment. J'ai entendu ça. J'ai pas vu le vidéo. Alors que Trudeau, lui, il se fait cracher dessus d'en face. Oh. C'est un peu la même, tu sais. Mais c'est comme à l'envers, tu sais. Hein? Mais Justin Trudeau... Celle-là, t'as des points, celle-là. Merci. Mais Justin Trudeau pète des gueules. Oh, c'est vrai, à la oui, boxe. Parce que c'est dans ses bons coups. C'est dans les journalistes vraiment? Ont relevé les bons coups de Justin Trudeau depuis 2008. Ils ont dit que c'est un très bel homme qui passe très bien dans les médias. Et on a fait, il a beaucoup fait parler de lui, entre autres son combat de boxe qui revient numéro 1 dans ses bons coups qu'il a fait. Parce qu'il a pété la gueule d'un sénateur conservateur. Juste dans un combat de boxe, nous autres, en tant que Québécois ou de gens qui aiment pour le gouvernement Harbert, c'était très très figuratif. Ouais. On a aimé qu'en ait au moins un. Tu sais, un sénateur en plus, pas un élu, là. C'était un sénateur qui était. Tu sais, hey, puis il avait l'air méchant, là. J'avais peur. Ben, sincèrement, j'avais peur. Écoute. Tu donnais l'avantage clairement aux conservateurs. Ouais, moi, j'avais gagé pour Patrick Brazeau, puis j'ai perdu la pas un pari illégal. Non, non, ben non. Juste ben non, avec ben ma non. copine, dans le salon, tu sais, quand on écoutait ça. Là. L'eau pour en fait, c'est le fun parce que ça envoie une image de quelqu'un, en fait, d'humain, quelqu'un qui s'adonne à des activités, et quelqu'un de combatif, quelqu'un voilà. qui c'est pour ça que c'est un bon coup, parce que oui, c'est un bon homme coup. Qui n'a pas peur de jeter les... Oui, exactement. Qui n'a pas peur de jeter les gants, qui n'a pas peur de prendre les gants, c'est-à-dire pour monter au front, parce que jeter les gants, c'est abandonner. Okay. Donc, il prend les gants. Et aussi, il a quand même terrassé un sénateur, donc nommé par Harper, conservateur. Mm. Donc, en voulant dire, moi, là, le petit cul de 40 ans, il a même pas encore 40 ans. Il va l'avoir au 25 décembre. Il va avoir 40 ans. Il a pas l'air de ça. Il a l'air jeune 30 ans. Jeune, il va pouvoir, en tant que chef du Parti libéral, envoyer Harper au tapis. Alors c'est que le message. Ouais, c'est ça, c'est le message. Mais c'est ça n'a absolument rien à voir. Okay. Tu vas pas aller frapper quelqu'un, non, je pense. Ensuite, Trudeau a quand même fait parler de lui pour avoir traité le ministre de l'Environnement, Peter Kent, de piece of shit. Oh! Tu sais, de... soyons polis, un tonne de marde. Oh, ouais. Donc, en bon français, en chambre. Donc, ça, il est obligé de s'excuser par la suite, mais c'est une anthologie que je réécoute quand il pleut dehors. Oh, ça pire, je joue un peu. En fait, ça paraît bien. Ça envoie quand même un message clair aussi. Ouais. Tu sais, c'est calculé. Il n'y a pas de langue de bois. Pis ben... D'après moi, il y a un agenda caché depuis longtemps. Puis, comme à risque, il place ses pions. Oh, puis, ouais. À un moment donné, il lance ses dés, il pogne 3-6, je rentre dans le tas. Ouais. C'est peut-être ça qui va arriver avec la course au leadership. Puis, en fait, je pense que c'est un bon move dans le sens où le Parti libéral ne peut pas descendre plus bas. Non. Il peut juste le remonter. Quand t'es dans la cave avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Tu peux juste le remonter. Tu t'assis pas, hein. C'est ça. Non? Puis le dernier bon coup qu'il a fait, c'est. Là, c'est les nationalistes québécois devraient l'aimer, puis sa cote de popularité a monté au Québec. Justin Trudeau a déjà dit qu'il ne se reconnaît plus dans le Canada de Harper, donc je comprends les Québécois de vouloir se séparer. C'est vrai. Oh. Oh. OK. Dans le Canada anglais, ça a été un tollé, ça mais doit. Au Québec, c'est. On l'a pas applaudi. Mais c'est genre, on tirera pas de tomates cette semaine. C'est ça. On va retarder le lancement de la cargaison de tomates qu'on a commandée. Donc, juste ça, ces trois bons coups-là montrent que c'est un combatif, qu'il n'a pas la langue dans la langue de bois et qu'il est prêt à remettre en question les valeurs libérales fédérales à cause du gouvernement en place. Donc, tout ça pour que Justin Trudeau soit premier ministre. Premier ministrable, ça se pourrait. Mais il faut d'abord qu'il gagne la chefferie. Ouais, c'est ça. C'est, et là, c'est ça sera un couronnement. C'est pour ça la petite clochette du début pour dire c'est un départ pépère pour Justin Trudeau. Il peut se permettre, avec son tricycle, d'avancer puis de continuer à faire des drings. On envoie la main, là. Ah ouais, des tatas, là. Ouais, on envoie la main, là. Ouais, tout à fait. Et fait à noter, lors du lancement, aucun député libéral n'était à ses côtés. C'est un autre message très clair qu'il a envoyé. Deux messages, en fait. Il dit « Je suis Justin Trudeau ». Et je suis Justin, seul, je vais me battre et surtout je veux me détacher de l'ancien Parti libéral. Ah oui. Le Parti libéral qui est rattaché au déboire, la commission Montgomery, qui est rattaché à Paul Martin, qui est rattaché à Jean Chrétien, qui lui est rattaché à mon père. Donc c'est un double message pour dire regardez, on repart là. On repart à zéro. On vire la page. Est-ce que tu penses, si on pense dans le futur éloigné où il deviendrait, mettons, premier ministre, est-ce qu'il essaierait de changer le nom du parti? Non? Non, remodeler, refaire. Ça aurait été très bon, mais le Parti libéral s'était inscrit dans les mœurs politiques québécois, canadiennes depuis longtemps. Et tu me rappelles, il a dit en discours, le Canada n'a pas créé le Parti libéral du Canada. Le Parti libéral a créé le Canada. Demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ça ressemble à du John F. Kennedy tout craché. Donc, c'est de la même école, la même trempe. Aux États-Unis, il serait pour le Parti démocrate, puis il serait à la succession de Barack Obama, soit dit en passant. Maintenant, c'est la scène provinciale. Oui. Aussi, la course est lancée, officiellement lancée. Oui, la semaine dernière, j'étais venu ici, on avait des appréhensions à savoir qui était pour se porter candidat. C'est confirmé, 3 en une semaine qui se sont portés officiellement candidats. Écoute, ça fait depuis 1983 qu'il n'y a pas eu de course officielle à la chefferie au Parti libéral. C'est habituellement, on règle ça chez nous, dans nos problèmes. On s'auto-désigne, on s'auto-flatte, on s'auto-congratule, puis on s'auto-finance un voyage de pêche, une yacht des cursos. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Là, ils ont dit, en ayant un débat, on va avoir un débat. Le débat est revenu souvent. Raymond Bachand, le premier à se lancer dans la mêlée, a dit « Je veux un débat ». notre Bashman national. J'ai parti la semaine passée, on se rappelle, à la mode Bashman avec sa cape et dans sa bashcave. On l'oublie pas, ça. Là. Moi, quand je parle quelque chose, c'est sérieux. Ok, je vais juste prendre les notes pour être sûr. Nanananananananananan. Bashman. C'est parti. Daniel Satanman, ça a protégé pour être Robin. Oh! Robin. Robin, tu sais, celle qu'il est là, mais qu'on ne sait pas. Comme un rat. Robin. Oui. J'aime ça. Ok, parfait. On parle pas trop fort. Si tu mets ta main de ce bord-là, personne ne t'entend. Personne ne m'entend. Ok, c'est correct. Mais t'as raison. Oui, donc les libéraux québécois ont fait un constat cette semaine. Ils ont dit, chez les francophones, on est en pente descendante. Chez les jeunes, on oublie ça. Puis les nationalistes, qu'est-ce que tu veux? On n'a plus aucun pied à terre chez les nationalistes. Donc, chacun a repris un thème. Raymond Bachand, je l'ai baptisé l'héritier de Robert Bourassa. Hein? Ça fait cute. Robert Bourassa, vous l'avez tous connu, vous l'avez tous aimé comme bon père de famille dans votre jeune temps, qui est mort malheureusement d'un cancer de la peau il a quasiment 20 ans. Ça va quasiment faire bientôt 20 ans. C'était lui au tournant des années 90 qui était premier ministre du Québec après avoir été premier ministre de 70 à 76. Donc, deux mandats répartis sur plusieurs décennies par contre. Et Raymond Bachand, ancien ministre des Finances, qui dit qu'il s'est entouré d'une équipe de la vieille garde du Parti libéral. Il est allé chercher même Lise Bacon. Tu sais, du bacon, là. Oui. Lise Bacon. Pénurie de Lise Bacon. Ouais. C'est qui, elle? C'est une ancienne ministre et sénatrice dans une autre vie. Donc, elle a été ministre de confiance et la disciple indéfectible de Robert Bourassa de 73 à 76, puis de 85 à 94. Donc, une inconditionnelle de Robert Bourassa. Et par la suite, elle a été nommée ministre libérale par le gouvernement Jean Chrétien à Ottawa. Elle a été la première femme vice-première ministre du Québec, avant Nathalie Normandeau et compagnie. Après son long passage en politique provinciale, elle siège au Sénat canadien de 1994 à 2009. On a aussi appris que Jean Masson, un libéral de longue date que tu connais, Non, ben je sais que François boit dedans tous les matins, ça doit être en son hommage. Pas les pots maçons, non, c'est pas lui. Jean Masson, moi-même je le connaissais pas, c'est un organisateur de Robert Bourassa qui a été aussi dans la commission jeunesse du Parti libéral des années 70, donc un vieux de la vieille, un vieux routier qui, lui, ça fait longtemps qu'il fait des coups de téléphone, pas à la Tex-le-Corps, mais pour... Tex-le-Corps, voyons ça. Je pensais les justiciers masqués, mais Tex-le-Corps, c'est à Tex-le-Corps. D'accord. Les insolences d'un téléphone. Ouais, j'ai le souvenir chez nous. C'est super bon. J'imagine. Lui sera l'organisateur de la campagne. Ensuite, il est allé chercher Hélène Desrochers comme adjointe, directrice adjointe, qui, elle, a travaillé pour Raymond Bachand et Alain Paquette, là. Et elle se trouvait déjà dans le cabinet du premier ministre Bourassa dans les années 80. Donc, il est allé chercher vraiment des vieux de la vieille de l'ère bourrassienne. Ensuite, le prochain à se présenter, c'est Pierre Moreau. Lui, il s'est dit, OK, là, l'héritage de Bourassa a été pris. Nationaliste, j'aime pas les nationalistes. Qui c'est que je vais aller courtiser les jeunes? OK. Écoute, Mathieu, Pierre Moreau, il aime ça, les enfants. Sur Twitter, là. Il aime ça, les jeunes. Oui. Les enfants, oui, c'est mal dit. Il aime ça, les jeunes. Ouais, ça va être son slogan. Ça a l'air bizarre. Moi, j'aime ça, les jeunes. Il aime ça, les 2012. Ouais, les jeunes, oui, il aime ça. Parce que quand il a lancé sa campagne, il était entouré d'une vingtaine de jeunes et non pas de vieux, juste des jeunes autour de lui. Pour dire qu'il faut redynamiser, il faut ouvrir les portes aux jeunes. Donc, un renouveau. Il faut renouveler. Exactement. Donc, la vieille garde Parti libéral, prenez votre retraite bien au chaud au soleil. Là, c'est autour des jeunes. Puis d'ailleurs, on les a vus, les jeunes, dans la rue manifester. Ils se sont levés debout. Oui. Non. On n'a plus les jeunes qu'on avait. C'est rendu. Non, il dit on doit tirer des leçons de leur manifestation auxquelles nous avons assisté jour après jour. Et faut pas oublier que la grande majorité des jeunes étaient du côté des étudiants. Oui. Donc, lui, il veut courtiser les jeunes. OK. Donc, la mémoire politique est quand même assez courte. Hein? Moi, j'ai les oreilles et les yeux qui saignent en ce moment. Il faut rappeler qu'un Pierre Moreau, en tant qu'ancien ministre très, très, très proche de Jean Charest... Ouais, c'est ça. L'a suivi les yeux fermés et a été très intransigeant envers les jeunes, envers la loi 12, qui est l'ancien projet de loi 78. Et là, il veut se rapprocher des jeunes. C'est du pandering, comme on appelle. Ouais, c'est genre, on essaye d'attirer un public alors que, tu sais, dans le fond, c'est... on pense pas vraiment à ça, mais on essaye. T'sais. Non, mais c'est un choix extrêmement stratégique, par contre. Parce que la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, selon leur règlement, ont le quart des votes au Parti libéral, au congrès du Parti libéral. Donc, les jeunes détiennent le quart des votes. Et le congrès jeunesse du Parti libéral se tient avant, quelques semaines avant la course à la chefferie. le congrès de nomination. Donc, c'est dit, si je peux courtiser les jeunes, je vais aller dans leur congrès, puis je porte cravate, la chemise ouverte comme... On va dire, écoute, votez pour moi, moi je suis pour vous autres. Il veut aller chercher au moins le quart des votes en partant. C'est de l'opportunisme. Moi, Pierre Moreau, c'est un opportuniste, tout simplement. Le dernier, Philippe Couillard, ça a été confirmé hier seulement, donc jeudi. Lui, il s'est dit, OK, les jeunes, la thématique jeune est prise, la thématique bourrassienne est prise. Qu'est-ce qui me reste? Les nationalistes. Je veux aller reconquérir les nationalistes. Il a réussi son coup, parce que Philippe Couillard, du temps de Jean Charest, était de l'aile nationaliste dans le Parti libéral du Québec. Il y a quatre ailes, l'aile gauche, l'aile droite. L'aile gauche étant absente. et l'aile nationaliste et l'aile fédéraliste. Fédéraliste à Jean Charest, Pierre Moreau et compagnie. Raymond Bachand à l'aile nationaliste. Et Philippe Couillard aussi. Il y avait aussi autrefois Benoît Pelletier qui a été nommé, entre autres, aux affaires intergouvernementales. Et là, il est disparu de la map. Mais Philippe Couillard est allé le rechercher. Et Benoît Pelletier, vous avez une tête grise, vous allez voir, quand vous allez le revoir à la télé, vous allez le reconnaître tout de suite. C'est le plus nationaliste. Il est juste à un cheveu de devenir membre du Parti québécois. T'sais, il est à borderline. Okay, okay. Mais lui, c'est un Québec fort dans un Canada uni. C'est son slogan. Et Philippe Couillard a dit à mot à peine couvert que c'était pour être son slogan de campagne. Okay. Donc, il veut un Québec très, très fort, économiquement parlant, côté santé, côté éducation, dont c'est trois chevals de bataille. Et aussi, il va beaucoup mettre l'accent sur... la société civile, donc les infrastructures sociales, la pérennité des programmes sociaux. Donc, et en tant que médecin, c'est certain qu'il veut faire une grosse job de brassage de cartes dans le domaine de la santé, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était ministre de la Santé? On se le demande. Donc, en tant que premier ministre, est-ce qu'il va pouvoir faire changer les choses? Il y avait peut-être les mains liées, on ne sait pas, donnons le bénéfice du doute. Okay? Il veut faire ça, tant mieux s'il veut le faire. Je suis d'accord avec lui. Notre système de santé a besoin d'un bon ménage. Les programmes sociaux ont besoin d'être encore plus subventionnés. Donc, jusqu'à maintenant, Philippe Couillard dans les trois, c'est mon candidat. Être membre du Parti libéral, je voterai pour Philippe Couillard. Donc, tu vas voter? Je suis pas membre de parti. Fait que ça, c'est les trois pour l'instant. Mais, bien évidemment, sachant que ces trois-là sont là, trois grosses pointures du Parti libéral, c'est trois anciens ministres. Là. C'est pas... C'est pas des backbenchers. C'est des personnes qu'on voyait relativement souvent, exact, qui étaient présentes. Qui ont déjà une machine derrière eux autres. C'est pas Gaétan Frigon Durand du 5e rang, tu sais, qui, avec sa femme et sa matante, vont faire une campagne en vélo. Ça, c'est trois grosses pointures. Ça serait attachant, par exemple. Ça serait attachant, oui, ça serait sympathique. Infoman pourrait être... Les suivre. Oui, tout à fait. Mais, faut donner ça au Parti libéral. Ils ont beaucoup de réserves dans leur poche. Oui, et ça fonctionne bien. C'est bien établi. Ça fait quand même longtemps qu'ils ont été au pouvoir. Donc, dans un gouvernement minoritaire, ils peuvent revenir au pouvoir n'importe quand. C'est sûr. Philippe Couillard, il n'est pas pressé. Lui, il dit non. Je vais être nommé chef. C'est une bonne approche, je pense, justement, avec ce qui s'est passé. Allons-y, calmons les esprits. Ouais. Parce que au Québec, c'est 50-50. On aime ou on n'aime pas le Parti libéral. Ouais, tout à fait. Et les élections l'ont prouvé avec le pourcentage, le nombre d'élus qu'ils ont eu. Donc, ils ont dit... rebrassons les cartes un peu, prenons notre temps, refaisons un débat d'idées, remettons des nouvelles idées en chemin. Mais Pierre Moreau et Raymond Bachand, c'est eux autres, c'est non. Première occasion, renverse le gouvernement. Oh, je veux être chef. Écoute, je veux être chef. Je veux au moins avoir ma limousine blindée. Je veux être chef. Fait qu'on verra. C'est ce que pas ça la bonne approche. Ça, d'après moi, non. Moi, je dirais qu'on a encore du temps. Philippe Couillard est très, très jeune, dans mi-cinquantaine. Pierre Moreau, il a 45 ans ou quelque chose de même. Il est dans la mi-cinquantaine aussi. Ah oui, il a de l'âge, j'imagine. Il est beau bonhomme quand même, il s'entretient bien. Je l'aime bien. Voilà, tu l'aimes bien. T'es un jeune, tu l'aimes bien. Mais il restera à voir leur dynamique de campagne. Pour l'instant, c'est juste des grands mots d'ouverture. On verra s'il y a des débats entre eux autres. Ça serait bien qu'en ait pour une fois. Et qu'il y ait vraiment... pas une déchirure, mais au moins un crêpage de chignon. Là. Ça serait le fun de dire... On se parle dans le blanc des yeux. Oui, pour rebrasser, parce que le Parti libéral, quoi qu'on en dise, mérite mieux que du... On fera pas de débat, on va calmer ça calme, on va juste le pouvoir, tu sais, gouverner pour gouverner. Non. Un parti politique se doit d'amener des propositions audacieuses qui plaisent ou qui plaisent pas. Ça, la population en décidera au moment des élections ou dans la rue entre-temps, où on parle de divers moyens. Mais ça prend un débat d'idées, ce qu'il n'y a pas eu au Parti libéral depuis très, très longtemps. 1983. On se rappelle. J'étais même pas né! Écoute, Passe-Partout, on entend sa cinquième saison, là, quoi, quand même. C'est à... Passe-Caro, hey, on l'a reçu ce matin. T'as-tu entendu? Passe-Caro? Passe-Caro, t'as raté ça, Passe-Caro à la radio. T'es sérieux? Ben oui. Pendant genre 15 minutes tantôt. Ouais. Ben, elle savait que t'étais là en plus. Ben, elle dit, Crème Choyé juste avant François Lambert. Ça a été mon premier fantasme, ça, parce que. Claire Papari, t'as avec le chat, là. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, quand elle faisait le bureau, puis. On a le même vidéo en tête. Oh, hein. Il en a parlé, je pense, à Claire Papari. J'ai demandé. Non, tu n'as pas parlé de ça en ondes, hein? Du chat? Du chat? Non, non. Non, pas fait ça? Non. Mais en tout cas, François Landry, des étoiles dans les yeux maintenant. Ouais, moi, regarde. On aime ça. T'es vraiment au téléphone, là. Ah oui, tout à fait. C'est pas une blague. J'ai raté ça. Balado diffusion. Okay, ouais, balado diffusion, ça c'est clair, mais on va écouter ça là. Puis, je vais fermer ma porte. Bon. Je veux pas te déranger. Je veux pas te déranger. Écoute, mon premier fantasme. Ensuite, ça a été Emmanuel et compagnie, mais bon. Oui, oui, c'est ça. Ouais, une chose à la fois. Ouais, une chose à la fois. Étape par étape, comme Philippe Couillard. Étape par étape. On y va tranquillement. Step by step, ou baby, gonna get to your. C'était pas une kids on the block, ça. Step by step, ouais, ça aussi c'était bon. Ah, mais tes prédictions, Parti libéral? Est-ce qu'il est trop tôt pour parler? Il est encore trop tôt. Là. C'est juste au printemps prochain, début printemps prochain. Donc, je vais revenir là-dessus en courant d'année. Mais pour l'instant, Philippe Couillard part avec une grosse longueur d'avance, mais il a une grosse écharpe dans son pied. Il est allé dans le privé sans avertir personne. Même ses employés n'étaient pas au courant qu'il avait démissionné. Ça, c'est l'anecdote savoureuse du jour. Son attaché de politique, donc qui dort quasiment avec. Qui est supposé être au courant de toute sa vie, plus que lui-même. Elle l'attendait à l'Assemblée nationale un certain matin de 2008. Puis, il est où ton chef? Puis, il devrait arriver, là. Parce que les journalistes viennent dire qu'il a démissionné. Ah ben, gadon. Il va falloir que je suive pourquoi, comment il a fait pour se trouver une job là, rapidement de même, dans le privé, avec du lobbying et blablabla. Parce qu'il est compétent, c'est pour ça. Quand t'es compétent... Les meilleurs viennent te chercher. Clin d'œil. Parfait. Mais fait que là, en fait, on s'entend que il y aura pas d'élection. En fait, le Parti libéral va... Québec va avoir l'élection, à moins qu'il y ait un candidat qui dise « Moi, je traîne trop de la patte, que je me rallie, qu'il se retire. » À moins qu'il y ait deux candidats qui se retirent. Non, mais je parle, en fait, au niveau Parti québécois, vu qu'ils sont minoritaires. Parti libéral va... On va attendre le chef, Ben, c'est ça, hein? Tout dépendamment, c'est qui, l'état des troupes. Si ça se déchire vraiment à sa place publique, ils vont prendre un an ou deux pour se rebâtir, puis laisser tomber la poussière. Okay. Mais pour l'instant, il n'y a pas de chicane entre les trois. Les trois s'aiment bien, les trois avec gros sourire d'en face. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Parfait. Pour l'instant. Tu fais bien le mentionner. Ouais. François Landry. Merci énormément. La course est lancée, partie. Ouais, j'aime ça. Je cours voir clair, moi, là. Oh, ouais. Je veux voir clair. Oui. Tu vois, Jean. On te retrouve jeudi prochain à 8h30 pour notre chronique Claude Crassé 101. Avec plaisir. Oui, François Landry, sa majesté. Non. La monarchie. Ouais. Non. C'est la fin de l'assemblage requis pour cette semaine. On se retrouve mardi. Et là, je vais corriger parce que, bon, aujourd'hui, erreur technique par-dessus, gaffe, parler, etc. Ah, c'est pas grave. Donc, mardi, ce qu'on va avoir à l'émission, c'est évidemment notre émission du mardi typique. Maxime Tanguay est à 7h30. Oui, Michel Lebrun, on va parler juridique. Et à 8h30, David Ferron et sa langue dans son oreille, ou dans nos oreilles, etc. Et les chroniqueurs du lundi, Véronique Mire n'est pas là, mais Alexandra, on va la redistribuer ailleurs dans la semaine. En tout cas, c'est le plan. Donc, on vous en reparle la semaine prochaine. Soyez-y mardi dès 7h. Restez à l'écoute pour le Dîner de cons avec Samia 11h avec Danny Janvier. Ensuite, je serai de retour avec Alexandra Carignan pour les Palmarès C'est fou. Ça commence à 15h. À 18h, nouvelle émission de Mathieu Roy. Soirée au coin du feu. Il va faire des discussions sur la vie étudiante. Génial. Les activités que, sur le campus, c'est à 18h. Ensuite, à 19h, 13e étage avec de l'électro-jazz éclectique. Et à 21h, c'est électro-tactile avec de l'électronique. Et là, ce que je vous suggère de faire, c'est rester sur nos ondes parce qu'à 9h, juste là, ça va être la nouvelle chronique de Rich Cholery. Tu sais, Rich Cholery, on le connaît pour... il a fait Autopsie d'écrivain célèbre, Le diable dans tous ses états, Suicidé connu ou méconnu, Les tueurs en série, Anecdotes de bourreau, il en a fait des tonnes. Il passe même à la TV à Cogeco. Oui, avec son émission Science et fiction. Et là, il débute une nouvelle série. Il nous montre comment acheter un sac à dos. Donc, c'est le nombre de livres que tu peux avoir sur le dos. Non, on me confirme que c'est Sadako. Tu vois la blague, tu vois. Sacré Mathieu Plante. La pire blague. Le poids est dans le bas du dos. À demain. L'univers de Sadako par M. Régis Olry.